qui domine mon moral. Je la regarde me sourire, je baisse la garde et les yeux pour me dire belle demoiselle qui se prétend aller sous sa démarche, lui donne des ailes, mais j'ose pas m'emballer. Et si jamais je m'approche d'elle, aucun doute, elle s'envole comme une hirondelle. Du milieu de ma rue, la silhouette comme un nuage s'éloigne sans un bruit, alors c'est grave. Je fais au bon Dieu pour être fidèle, acceptable, la belle demoiselle qui se prétend l'aller sous sa démarche, lui donne des ailes, mais j'ose pas m'emballer. Et si jamais je m'approche d'elle, aucun doute, elle s'envole. Inaccessible comme une hirondelle. Je calcule dans ma tête, dopé à l'effet de plaire. C'est quand même la bête, le fantasme qui me distraire. Je ne suis pas parfait, je ne suis pas parfait. Si mon Dieu, mais je tire un trait de cet aveu, la belle demoiselle. Sa démarche, puis donne des ailes. J'offre à m'emballer, et si jamais.